Before you see me, I got King Kong in the trunk. King Kong, King, King, King, King Kong, King, King Kong, King, King, King, King Kong. You can hear me before you see me. You can hear me before you see. You can hear me before you see me. I got King Kong in the trunk. King Kong, King, King, King, King Kong, King, King Kong, King, King, King, King Kong, King, King Kong, King, King, King, King Kong. You can hear me before you see me. I got King, I got King. Je rap sauvage. Pour le 10 à côte que j'aime, mec. Viens pas test, ici c'est ghetto ghetto handek. RND au mic, c'est trop trop trop danger. Ici on rappe sans prod, en direct de chez Bene. 10 à côte le code, toi-même tu connais. Avec R2O, on va niquer le réseau. Avec Soda Style, on va survivre à la guerre. Toi-même tu sais comment on gère. Ok, je prends place dans ce beat. Fais pas me sucer la bite parce que ici c'est T.I. L'homme insensible, l'homme, l'homme impossible. Donc viens pas me test, sinon je te couperai. Je te couperai en 6. Ici c'est le ghetto style, donc mets-toi à genoux. Quand tu nous vois passer dans les rues de BXL, MAT, Soda Style, BT6, RND. Et la suite, tu la connais. T.I. Oh my, c'est dangereux, t'as kiffé. J'suis pas étonné, trop de jaloux, jalouse. Squatte mon secteur, mais t'inquiète. J'vais les faire sortir à coups de crosse. Nous on rappe sans prod, ici c'est Africa Money. Ghetto style, tu connais. Je sais que t'as kiffé, je sais que t'as aimé. Mais j'suis pas étonné, j'suis pas étonné, j'suis pas étonné. Accompagné de mes refrains, Roloto et Azé, que du bon, on est armé. J'kiffe pas la police, encore moins la justice. Une part pour l'Afrique, au bureau noir et métis. J'veux aller plus loin que ma voix résonne. H2R au Jason, ouais, la basse c'est trop bonne. Du style, on t'en donne. M6, ça cartonne. Sur YouTube, Dailymotion, BXL, t'étonne. Juste en bas du bloc avec Soda Style. On fait du rap, mais on veut de la maille. Produit par des grands, juste après c'est 10K. Rouler en BM, pas finir en Mazda. RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND, RND,